rendre ou cherche à savoir pourquoi. Ces jeunes se bouffent pour du cash, se fâchent à coups de slash. C'est pour ceux qui veulent comprendre ou cherchent à savoir pourquoi. Ces jeunes se bouffent pour du cash, se fâchent à coups de slash. L'esprit du gang persécute ma life. Grande est ma solitude quand j'exécute mes tâches. Le taf me fâche quand je pense au cash que certains amassent. Juste en tif de hache, coupant du crack. Vivre dans le ghetto, ça peut prendre des tournures trash. Dans le 13, c'est le clash. Dès que tu parles cash, on te braque ou on te latte. Sous les yeux de la vague, on t'embarque. C'est pour ceux qui veulent comprendre ou cherchent à savoir pourquoi. Ces jeunes se bouffent pour du cash, se fâchent à coups de slash. C'est pour ceux qui veulent comprendre ou cherchent à savoir pourquoi. Ces jeunes se bouffent pour du cash, se fâchent à coups de slash. Chaîne vocale de taille pour ramener de la maille à la case. Un sac et bien graille, ce rap sans détail. Faut des coups de taille pour trouver la faille et amener les tiens au-dessus de la muraille. Chaîne mentale de taille pour ramener de la maille à la case. Un sac et bien graille, ce rap sans détail. Faut que t'aies les couilles pour t'imposer. Apposer d'un soir dit ta marque déposée. Oser être dans les chartes en tête des hits contest. Y'a pas de blême si t'es le best. Donc mec laisse parler les pestes. Les vrais se reconnaissent au texte. Donc blesse sur un sextant. Monte-toi assistant. C'est l'instant de prouver que t'as titan dans ce mouvement. X ou presque. Tous les frères prestent. Dans la dèche les idées te sortent en flèche. On te respecte ton thème sauf quand style feuillet, on le détecte, on déquête dans la zone serrée. Chaîne vocale de taille pour ramener de la maille à la case. Un sac et bien graille, ce rap sans détail. Faut des coups de taille pour trouver la faille et amener les tiens au-dessus de la muraille. Chaîne mentale de taille pour ramener de la maille à la case. Un sac et bien graille, ce rap sans détail. Faut des burnes de taille quand t'es sur la paille pour libérer les tiens des griffes de la grisaille. Guide mon âme, en cage comme ma forme. Je garde espoir qu'un jour se taise les armes. Que ces barricades s'effacent et laissent place à une nouvelle oriflamme. De nouveaux horizons, sans mur ni prison. Juste un grand terrain de jeu où les miens et les tiens pourront vivre enfin heureux. Où les miens et les tiens pourront vivre ensemble. C'est pour ceux qui veulent comprendre ou cherchent à savoir pourquoi. Ces jeunes se bouffent pour du cash, se fâchent à coups de slash. Chaîne vocale de taille pour ramener de la maille à la case. Un sac et bien graille.